deuxième temps de notre série de la Fabrique de l'Histoire dans le cadre de la semaine spéciale de France Culture sur les droits de l'homme à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée à Paris le 10 décembre 1948. Après avoir hier expliqué la généalogie des déclarations des droits de l'homme avec l'historienne Valentine Zuber, avant demain de nous intéresser à l'inclusion des réfugiés dans cette problématique et après-demain de dresser le portrait dans le documentaire du jeudi signé Séverine Yatar et Marie-Laure Ciboulet d'Eleanor Roosevelt, promotrice de cette déclaration universelle, arrêtons-nous ce matin avec Séverine Yatar qui a préparé cette émission avec nous et qui la co-animera sur les particularités africaines des déclarations des droits. Avec Éric Joly, il est chargé de recherche au CNRS et directeur de l'Institut des mondes africains, et avec Alioune Badarafal, il est professeur de droit Alioune Badarafal, il est professeur de droit public, membre du laboratoire Les Afriques dans le monde à Bordeaux. Cela fait 5 ans depuis que l'Organisation de l'Unité africaine a adopté à Nairobi, au Kenya, cette charte africaine des droits de l'homme. Après la ratification de celle-ci par 31 pays du vieux continent, on s'achemine aujourd'hui vers la constitution d'une commission chargée de la faire respecter. Et cela pour bientôt, comme le souligne le président de l'Association des juristes africains, qui a largement contribué à l'élaboration de cette charte. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit une commission des droits de l'homme et des peuples qui sera chargée de veiller au respect des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain. Cette commission sera composée de 11 membres, essentiellement des juristes ou des personnalités qui se sont distinguées dans la lutte pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Cette commission pourra être saisie, ce qui est très important, par tout citoyen ou par tout État et toute organisation internationale qui aura constaté que dans un État africain se dérouleraient des violations graves et répétées des droits de l'homme. Ceci dit, elle ne pourra atteindre son objectif que si ses conclusions sont connues par l'ensemble de l'opinion publique africaine et internationale et si les États appliquent ces décisions. Et cette commission, en fait, pourra voir le jour quand ? Cette commission va voir le jour dès que la charte entrera en vigueur. Ça veut dire à partir du mois d'octobre, la charte entre en vigueur. Dès le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement, une élection permettra de désigner les 11 membres de la Commission des droits de l'homme et des peuples. Voilà, une archive télévisée de RFO, c'était le 5 septembre 1986 pour nous introduire au sujet de ce jour. Avec vous, Séverine Yatar, bonjour. Bonjour. Avec vous, Éric Joly, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Alioune Badarafal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cette archive, c'est une archive qui dit que entre en vigueur, donc en 1986, cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est important de rajouter ce terme de peuple. En l'occurrence, vous êtes professeur de droit public. Ce moment est un moment important pour la question des droits publics en Afrique, en particulier du droit public en Afrique. Des droits de l'homme, surtout. Oui. Très important parce que, vous savez, l'Afrique était perçue un peu comme en retard dans ce domaine-là. Les pays étaient indépendants depuis 1960 et c'est uniquement en 1981 que la charte a été adoptée et appliquée à partir de 1986. Alors, est-ce que c'était un retard? Bien évidemment, c'est un retard quand on regarde un peu ce qui s'est passé ailleurs, notamment les instruments internationaux en Amérique latine, en Europe, etc., bien sûr. Mais en fait, c'était peut-être aussi un moment très fort parce que l'Afrique avait besoin, pour des raisons circonstancielles, hein, notamment le découpage des territoires, la recherche d'une unité nationale, etc., l'Afrique avait besoin d'un petit temps avant de se mettre à l'œuvre en matière de droits de l'homme. La charte, si vous voulez, de l'OUA, de l'Union de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était plus préoccupé par des problèmes d'apartheid, de décolonisation, que de droits de l'homme. elle s'est juste limitée à renvoyer à la Charte des Nations Unies. Et maintenant, elle était revenue maintenant pour s'occuper justement de ces droits de l'homme. Donc, c'était un temps fort avec une idée derrière, une sorte d'africanisation quand même de cette, une sorte de philosophie des droits de l'homme qui n'allait pas à l'encontre de l'universalisme, mais qui voulait marquer sa spécificité. On y reviendra certainement. Et c'était d'ailleurs effectivement une des grandes particularités de cette décision d'avoir une charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On y reviendra effectivement avec vous, Alioune Badarafal, dans la deuxième partie de cette émission. Mais nous allons commencer bêtement chronologiquement, pourrait-on dire, avec vous, Éric Joly, parce que même si on a du mal avec la chronologie à propos de ce dont on va parler avec vous, il y a depuis quelques années et une poussée forte depuis l'Afrique, en particulier depuis l'Ouest africain, pour considérer eh bien qu'il y a peut-être une antériorité, en tout cas qu'il y a des déclarations des droits qui ne s'appellent pas comme cela, qui remonteraient à ce qu'on appelle le Moyen-Âge africain, qui a été si bien étudié par François-Xavier Fauvel, qui vient d'être élu au Collège de France. Donc, et ce Moyen-Âge africain, en particulier au XIIIe siècle, aurait décidé d'une certaine façon qu'il y avait des droits particuliers de protection des individus ou des communautés. Mais c'est assez complexe comme histoire parce que c'est une histoire récente qui renvoie à un passé très lointain, Éric Joly. Oui, c'est d'autant plus compliqué qu'en fait, les textes auxquels vous faites référence, qui revendiquent tout le titre de charte du Mandé, regroupent en fait des versions différentes de l'histoire de Sundiata Keïta, le premier empereur du Mali, le fondateur de l'Empire du Mali, au XIIIe siècle, c'est évidemment en fait des constructions relativement récentes, des années 60 aux années 90-2000, qui ont permis en fait de faire émerger des récits, des chartes qui en fait sont remontent, se réfèrent à l'Empire du Mali, mais sont adaptés aux enjeux du présent et aux revendications de ceux qui les énoncent et qui les défendent. Et pourquoi, Éric Joly, donc, il y aurait une remontée comme ça de quelque chose qui est de l'ordre de la culture orale, hein, bien sûr, au moment, justement, des indépendances. Enfin, Jean-Louis Amsel parle même de précédents, en parlant notamment de la fosse, d'administrateurs coloniaux, qui, dans sa grande écriture de l'histoire de cette région, parlerait déjà d'une chronique de Sundiata, enfin de quelque chose de l'ordre, en tous les cas, d'une charte. Il faut présenter peut-être Sundiata Keïta, qui est quand même un personnage important, puisque c'est lui qui est au cœur de ces chartes du XIIIe siècle. Donc c'est celui qui combattant un roi ou un empereur Soso. Soumaoro Kanté, oui. Voilà. Donc l'a vaincu et ensuite aurait rassemblé autour de lui les populations qui étaient sous sa coupe pour pouvoir donc décider d'un mode de vie en commun. Oui, en fait, on sait peu aujourd'hui d'un point de vue historique hein, sur cet empire du Mali. On sait qu'en fait, il était peu centralisé qu'il s'est construit en gardant dans une espèce de vision fédérale les royaumes vassaux dans cette organisation de l'empire, avec d'ailleurs une capitale qui va changer d'endroit à plusieurs reprises et qu'on n'a pas toujours pas retrouvé, et avec l'idée effectivement qui sont justement énoncés dans ces différentes épopées de Sundiata Keïta ou dans ces chartes, que Sundiata Keïta a fédéré cet empire en rassemblant les différentes composantes de cet empire, c'est-à-dire les différents groupes socio-professionnels, les griots, les forgerons, les agriculteurs, mais fortement aussi hiérarchisé d'ailleurs. Il y avait l'idée qu'il fallait reclassifier tout ça. Voilà, et qu'il fallait aussi donc unir pour avoir une espèce de contrat social et politique entre toutes ces composantes, à la fois politique et à la fois sociale. Unir, et donc il aurait fait ça au moment de son investiture ou juste après la conquête du Mandé, donc sa victoire contre Soumaoro Kanté. Et donc, c'est ce qu'on appelle la charte de Kourougan-Fouga, qui est donc cet endroit où, en Guinée actuellement, où auraient été rassemblées autour de lui ces personnes qui sont sous sa coupe et où se serait décidé justement d'une sorte de charte qui permettrait de vivre ensemble pour ces populations qui avaient été récemment conquises. L'actrice Mata Gabin nous en lit un extrait. La charte du Kourougan-Fouga. Article 1er. La société du Grand Mandé est divisée en 16 porteurs de carquois, 5 classes de marabouts, 4 classes de nyamakala, 1 classe de serfs. Chacun de ces groupes a une activité et un rôle spécifique. Article 2. Les Nyamakala se doivent de dire la vérité au chef, d'être leur conseiller et de défendre par le verbe les règles établies et l'ordre sur l'ensemble du royaume. Article 3. Les Morikanda Lolou, les 5 classes de marabouts, sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération. Article 4. La société est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la classe d'âge les personnes, hommes ou femmes, nées au cours d'une période de 3 années consécutives. Les Kangbé, classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux, doivent être conviés pour participer à la prise des grandes décisions concernant la société. Article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentation d'enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort. Article 8. La famille Keïta est désignée famille régnante sur l'Empire. Article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. Article 10. Adressons-nous mutuellement les condoléances. Article 11. Quand votre femme ou votre enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin. Un extrait simplement des 44 articles de cette charte de Kourougan-Fouga, donc 11 articles lus par Mata Gabin, Séverine Yatin. Éric Joly, donc on voit dans la forme, hein, on a un codex comme ça qui effectivement dit une transformation peut-être d'un récit oral en un récit institutionnel et qui ressemble fortement, je crois, aux constitutions maliennes et guinéennes. Oui, tout à fait. En fait, ces 44 articles de loi, ont été rédigés, structurés par un magistrat guinéen en 1998. Il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années. Et lors d'une réunion à Cancan, en Guinée, de journalistes de radio, de griots, d'ONG occidentales, de magistrats, de chercheurs. Les griots se sont réunis, ils ont chanté chacun une partie de la saga, pourrait-on dire, ou de la grande geste de Sun Yat-ta Keïta. Et ensuite, on a rassemblé ce qui avait été dit par chacun de ces griots dans un texte unique qui a été donc réécrit, pourrait-on dire, en fonction du moment. Oui, et dans une perspective bien précise, puisque ce magistrat Siriman Kouyaté, qui est magistrat à la cour d'appel de Cancan, l'a tiré effectivement vers un code juridique, vers une constitution, et c'est comme parce que c'était comme ça qu'on voulait la présenter. Et en fait, bien entendu, il y a une grande transformation à l'écrit des discours oraux, puisque en fait, un discours oral ne se présente jamais par articles successifs, etc. Donc, il y a eu un gros travail de retransformation de discours des griots, bien entendu. Et ça nous dit quelque chose aussi sur le fait que le Mali actuel, en tous les cas, veuille contrôler, en tous les cas, être à l'initiative d'une charte des droits de l'homme. Dans ce contexte, alors, est-ce qu'on peut parler déjà des années 60, Éric Joly? C'est-à-dire que elle oui. chemine, hein, ce bien récit sûr. Chemine évidemment depuis bien sûr. En plus fait, 40 ans. Sunyata Keita et l'Empire du Mali ont toujours été, en fait, au cœur des revendications identitaires et nationales de pays. Le Mali en premier lieu, d'où son nom d'ailleurs, qui vient de l'Empire du Mali, et la Guinée. Il faut le rappeler aux indépendants, c'est une scission donc du Soudan, qu'on appelait Soudan français auparavant, entre le Sénégal et le Mali et le Niger en l'occurrence. Donc là, en l'occurrence, c'est la séparation, la création d'une unité nationale, donc le pays qui s'appelle aujourd'hui le Mali, qui revendique cette antériorité, cette histoire remontant au XIIIe siècle et à Sunyata Keita. Exactement, même si en fait, il y avait une fédération un peu avant qui en fait avait déjà le nom du Mali, mais elle va effectivement éclater et c'est le Mali qui va reprendre le nom de en s'inspirant de l'Empire du Mali jusqu'à présent en fait le Mali revendique cet héritage de l'Empire du Mali et de Sunyata Keita et de son esprit fédérateur notamment qui renvoie à l'idée de paix sociale d'entente, etc. Et est-ce que ça n'arrangeait pas aussi la politique internationale? L'idée que ce soit le Mali comme bon exemple de pays décolonisé, Éric Joly, est-ce qu'il y a cette problématique aussi? Oui, bien sûr. Il y a aussi, enfin, pour comprendre en fait ce qui se passe, ce que je vais peut-être on va en parler un peu plus tard. Il y a plusieurs chartes du Mandé. Il y a d'emblée une rivalité entre la Guinée et le Mali sur la bonne version de l'épopée de Sunyata et par la suite de la charte du Mandé, puisqu'en fait la charte de Kourougan-Fouga dont on parle en fait est plutôt la version guinéenne et la version des griots et de l'historien guinéen Djibril Tamsir Niane qui en 1960, c'est-à-dire au moment exact des indépendances, avait déjà publié un livre qui citait Kourougan-Fouga comme étant le lieu de cette entente entre toutes les composantes de l'Empire du Mali. Et l'autre charte du Mandé, c'est le serment des chasseurs, donc qui datait lui aussi du XIIIe siècle, mais un peu antérieur supposément à ce texte de Kourougan-Fouga. Il a été collecté, mis en forme par Youssouf Tata Cissé, mais on n'a jamais véritablement connu la version orale authentifiée. Et l'UNESCO l'a renommé donc Charte du Mandé en 2007. Un extrait donc de cette Charte du Mandé lu par Mata Gabin. La Charte du Mandé. 1. Les chasseurs déclarent: toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. 2. Les chasseurs déclarent: toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause de tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. 5. Les chasseurs déclarent: la faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage non plus n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas de pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, la faim ne tuera plus personne au Mandé. Si d'aventure la famine venait à sévir, la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. c'est-à-dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. 7. Les anciens nous disent « L'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau couverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de trois choses. Voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. » Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. » Tel est le serment du mandé à l'adresse des oreilles du monde entier. Voilà un extrait de cette charte du mandé lue par Mata Gabin dans une traduction de Youssouf Tata Cissé Sévrignatar. On voit bien, Eric Joly, dans la forme même rédactionnelle, les chasseurs disent, après parfois les anciens nous disent, il y a une sorte de mélange même au niveau de, des droits et des devoirs qui sont demandés, énoncés en tous les cas dans cette charte. Ça dit quelque chose sur finalement le voyage que fait ce récit au cours du temps jusqu'à nous. Oui, bien sûr. En fait, c'est un texte qui apparaît en fait en 1991, donc dans un livre de Youssouf Tata Cissé, qui est un chercheur malien, un anthropologue, historien malien. Et en fait, à l'époque, il n'y accorde pas beaucoup d'importance. En fait, il n'y a que la traduction française. C'est quelques pages dans son livre. Ce n'est que justement à partir du moment où la charte de Kourougan-Fouga connaît une certaine popularité qu'il va publier ce récit à part en 2003, si je ne dis pas de bêtises, sous le titre « La charte du Mandé et autres traditions du Mali ». Souligner qu'il s'agit de traditions du Mali n'est pas anodin dans le contexte de rivalité entre les différentes chartes du Mandé, et avec un livre qui est illustré aussi de différentes calligraphies par un artiste malien. Donc on a une reconstruction à la fois par l'écrit, mais aussi par le dessin de cette charte. Et est-ce que ça serait ce qu'on a appelé pour le 19e siècle français, comme Eric Hobsbawm l'avait mis en place, une invention de tradition ? Est-ce que on peut dire cela, ou est-ce qu'au bout du compte, ce cheminement par l'oral jusqu'à être posé à l'écrit dans les années 90-2000 du XXe siècle pose une question à l'anthropologue que vous êtes, par exemple, Eric Joly? Non, moi je ne parlerai pas d'invention, tout simplement parce qu'effectivement, ce sont des textes qui se sont transformés au fil du temps, en fonction des enjeux du présent, en fonction des revendications des différents groupes qui l'énoncent ou qui défendent ce type de charte. Et il est impossible, bien sûr, de dater précisément, sauf pour les événements récents dont on est témoin. Voilà, il n'y a pas d'invention, il y a transformation sur le. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment, et ça c'est effectivement la vertu, ou parfois aussi les travers de l'UNESCO, c'est que ça va être transformé en, d'une certaine façon, un texte qui deviendra un texte universel, disant d'une certaine façon que cette charte du Mandé, eh bien, peut être considérée comme l'inscription des droits dans un espace géographique qui est l'Ouest africain, dès le XIIIe siècle en l'occurrence. Oui, mais en fait, effectivement, je crois que comme tout récit de ce qu'on appelle la littérature orale, tout récit au moins qui ont une prétention historique, il ne faut pas voir ces textes comme des textes qui traduisent une réalité historique objective, mais comme des textes qui traduisent des points de vue politiques, voire une philosophie politique complexe, et c'est ça qui rend intéressant ces textes, des points de vue politiques du moment, mais aussi qui se réfèrent à des espaces politiques antérieurs. Voilà. Et dans le cas de l'UNESCO, je ne sais pas si j'embraye là-dessus. Le paradoxe, c'est que en fait, il va patrimonialiser, enfin inscrire sur et figer d'une certaine façon. Et figer d'une certaine façon, en fait, un texte qui est un mixte de la charte de Kourougan-Fouga et du serment des chasseurs. Ça, c'est lié en fait à une opération assez bien menée du Mali. Qui va, puisqu'en fait, au départ, la charte de Kourougan-Fouga est avant tout une charte côté Guinée, mais Kourougan-Fouga est au Mali, et donc il va y avoir d'abord une patrimonialisation, de la clairière de Kourougan-Fouga. Avec la création d'un musée, enfin d'un lieu de. Voilà, et puis ensuite, en 2009, patrimonialisation de la charte du Mandé. Charte du Mandé, quand on regarde sur le site de l'UNESCO, charte du Mandé établie à Kourougan-Fouga. Or, quand on regarde en détail, donc on peut croire que c'est la charte de Kourougan-Fouga qui a été patrimonialisée par l'UNESCO. En fait, pas du tout. Quand on regarde en détail, c'est en fait le serment des chasseurs, donc qui n'a pas du tout été établi à Kourougan-Fouga. Donc il y a un mélange, en fait, des différentes chartes dans le cas de l'UNESCO. De l'UNESCO, oui. Et évidemment, le Mali a agi beaucoup en ce sens-là, parce que même le ministère de la Culture, etc., bien sûr, a incité largement à cette patrimonialisation. C'est un dossier qui avait été présenté et qui, en fait, lui-même, en fait, génère cette confusion. Et en fait, le Mali gagne sur tous les tableaux, puisque, en fait, Kourougan-Fouga, la clairière, est au Mali, et le serment des chasseurs est une charte malienne qui vient du Mali, qui est censée d'ailleurs avoir été établie dans la première capitale de l'Empire du Mali, Dakadjalan, qui est au Mali également. Et c'est ce qui est formidable, c'est qu'effectivement on voit combien ces textes passant par l'oral et s'inscrivant dans l'écrit dans la deuxième moitié du XXe siècle deviennent des références, au point qu'un film qui est sorti au printemps dernier, signé Olivier Delahaye et Dany Kouyaté, a mis au cœur de ce film qui s'appelle Soleil au pluriel, a mis au cœur justement une balade en Afrique pour retrouver sa mémoire d'une jeune femme amnésique qui retrouve sa mémoire en particulier parce qu'on lui raconte la charte du Mandé, et Barbara Hendricks chante dans ce film A Long Walk to Freedom. Had no reason, their hate was their poison, their laws were a prison, their love had no season, the future no vision, they killed father and son. Oh, what a long walk to struggling at night, we died for our rights. Dreams Barbara Hendricks qui chante A Long Way to Freedom, donc pour la bande originale du film Soleil, sorti cette année, un film d'Olivier Delahaye et d'Annie Kouyaté, qui donc prend appui sur cette charte du mandat dont on parlait à l'instant même avec vous, Éric Joly. Alioune Badar Afal, y a-t-il une référence à ces textes anciens dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont on parlait au tout début de cette émission, ou pas du tout? Est-ce que d'une certaine façon cette création des années 1980 ne tient compte ou ne tient pas compte justement de ces textes traditionnels portés par les griots dans l'Ouest africain? Alors, personnellement, je n'ai pas vu de référence expresse à ces différentes chartes qui datent de très très longtemps. Mais en écoutant les différents articles qui ont été énumérés tout à l'heure, je ne peux pas vous cacher ma petite émotion, parce que je me sentais un peu dans cette sorte de culture. Je résume cela en une sorte de culture, et je ne serais pas étonné que les rédacteurs de la charte aient pensé ou aient senti à un moment donné dans les différents articles, ces dispositions orales qui existaient avant. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est justice, tout ce qui est communauté, tout ce qui est solidarité, famille, etc., que l'on retrouve dans la charte, eh bien, j'ai senti quand même cet esprit dans les différentes chartes qui ont fait l'objet de commentaires tout à l'heure. D'autant que, comme nous le disait Éric Joly, c'est au moment des indépendances qu'explose justement cette référence littéraire, pourrait-on dire, à cette histoire très ancienne du Moyen-Âge africain du XIIIe siècle, et que c'est au moment des indépendances qu'on commence à penser justement à élaborer, même s'il faudra bien des années, plus de 20 ans pour le faire, à élaborer une charte africaine, quelque chose qui corresponde justement à ces pays nouvellement indépendants. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un certain retard. Mais il ne faut pas que le retard cache l'envie des populations et même des Africains d'une charte ou en tout cas des dispositions liées à la protection des droits de l'homme. Les pays africains sont indépendants, ont eu leur indépendance dans les années 60, mais les préoccupations datent de très longtemps. Le premier président nigérian avait déjà poser les jalons d'une charte avant même l'indépendance. C'est pour vous dire que peut-être aussi là, on avait dans la conscience collective, dans le subconscient même des Africains, ces relents, ces souvenirs des différentes chartes qui protégeaient l'individu. Est-ce qu'il n'y avait pas un lien aussi justement avec le pays colonisateur, en l'occurrence on parlait du Nigeria, l'Angleterre, comme une sorte de volonté de faire une charte, une constitution sur le modèle un peu occidental, Alioune Badar Afal? Le cas du Nigeria, c'est un peu particulier parce que, vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la clause coloniale, qui faisait que, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme ne pouvait pas s'appliquer à un certain nombre de territoires parce qu'ils étaient sous domination coloniale. Malgré la demande de Léopold Sédar Senghor en 1950, par justement. Exemple. Donc, la Grande-Bretagne a eu beaucoup plus de souplesse, disons, que la France, parce que la Grande-Bretagne avait accordé un certain nombre de droits à ces pays-là. Et c'est peut-être pour cela que les pays anglo-saxons et les populations anglo-saxonnes africaines étaient plus enclines à mettre en place une charte. Un texte, une charte. Beaucoup plus rapidement que les pays francophones. Oui, vous disiez que le docteur, dans un article que vous avez écrit pour la revue Pouvoir sur ce thème, Alioune Badar Afal, vous disiez que le docteur Nwambi Azikiwe a été le premier formellement, dès les indépendances en 1961, à Londres, dans une conférence sur le panafricanisme, à réclamer justement une charte particulière pour les pays nouvellement décolonisés, en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Et qui n'a pas été suivi d'effet, parce que ce n'était pas, comme je vous l'ai dit, nous étions quand même au début d'une ère où les pays se reconstruisaient, essayaient de se mettre en place. Et donc, c'est par la suite que le président Senghor, lui aussi, est venu pour remettre l'idée en place. Appuyer l'idée du président. Mais vous expliquez bien aussi dans votre article, Alioune Badar Afal, combien c'est compliqué pour ces pays nouvellement décolonisés de s'infliger d'une certaine manière peut-être un texte qui est contraignant pour des régimes qui sont pas forcément immédiatement démocratiques. Vous parlez de régimes présidentialistes et que voilà, c'est faire une charte comme ça universelle pose un problème à un certain nombre de pays après la colonisation. Mais il faut que l'on comprenne un peu la situation de ces pays-là. au début des années 60. Ils étaient tous enclins à la démocratie, en fait. Mais lors de leur rencontre à Addis Abeba pour la création de l'Organisation de l'Unité africaine, la question des traditions, la question des frontières, tout cela s'est posé. Il y avait deux groupes, en fait, qui s'étaient divisés. L'un des groupes disait qu'il fallait effacer tout ce qui est colonisation, revient aux traditions, c'est-à-dire avant la colonisation, les frontières, etc. L'autre disait que c'est pratiquement impossible. Il vaut peut-être mieux s'organiser pour aller vers l'ONU, etc. Et c'est ce groupe-là qui a gagné, qui a finalement gagné, d'où ce principe d'intangibilité. On ne touche pas aux frontières. Mmh. Intangibilité frontières. Des frontières. Voilà, on reste là. Mais en faisant cela, ils se retrouvent avec des communautés complètement disloquées parce que le colonisateur avait quand même tracé les frontières, non pas en fonction des communautés, mais en fonction de ses propres besoins. Les Anglais, les Portugais, enfin les Espagnols, etc., les Français. Donc, à l'indépendance, un territoire qui naît se retrouve avec des populations complètement hétérogènes, différentes, qui n'ont pas du tout un point commun, ni au niveau institutionnel, ni au niveau tradition, etc. Et c'est là où les premiers dirigeants ont dit « pas de démocratie, pas de liberté », ont réuni tout le monde pour la nation, pour l'unité nationale, pour éviter donc l'unité éclate, et puis pour le développement. Alors, c'est là où ce présidentialisme dont je parle est né, avec des partis uniques, et il fallait en même temps protéger les individus au niveau des droits, au niveau dans la catégorie des droits de l'homme. Et ce n'était pas évident. Alors, on attendra donc 21 ans, puisque c'est en 1981, lors d'une conférence donc internationale des pays africains à Nairobi, que sera donc adoptée cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais elle aura été discutée auparavant à Banjul, donc dans un autre pays. Et c'est pour ça qu'on l'appelle quelquefois la charte de Banjul, en l'occurrence. C'est ça, Alioune Ben Arafal. Et donc, on va écouter un extrait, les articles 2, 18 et 20 de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc lue par Matagaba. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 2. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 18. 1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'État qui doit veiller à sa santé physique et morale. 2. L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. 3. L'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. 4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. Article 20. 1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. 3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Un extrait donc de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc lue par Matagaba, une charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc adoptée à Nairobi en 1981, Séverine Yattar. on voit bien, Alioune Badarafal, dans l'article 20, hein, qu'il y a une particularité quand même à cette charte, c'est notamment d'insister sur la lutte contre le colonialisme, l'autodétermination, le fait de la non-domination des peuples, enfin, et tout ça, c'est effectivement assez particulier à la charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Oui. Et c'est une marque très importante. Il faut dire que les pays africains étaient traumatisés par le colonialisme et par l'apartheid. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure... Qui était encore en action pendant ces années 1980. Voilà, et en Afrique du Sud. Ouais. Et c'est ce qui les a, je dirais, entre guillemets, omnibulés au point de ne pas s'occuper des droits de l'homme. C'est la lutte contre le colonialisme, c'est la lutte contre l'apartheid. Comme s'ils avaient peur que les grandes puissances reviennent, leur soumettre une certaine domination. Il faut voir aussi que cette préoccupation est alimentée par les Nations Unies qui avaient voté des résolutions pour condamner les peuples dominés, pour condamner toute domination et pour leur donner cette souveraineté au niveau des ressources, etc. Et c'est pour cela que cette charte a insisté justement sur l'importance qu'il faut accorder à ces droits-là. Alors, il y a aussi des particularités dans ce texte donc de 1981, mis en application à partir de 1986, c'est la question des traditions et du droit moderne, donc issu justement de ce droit international, qui est très particulier d'une certaine façon. Parce que comment allier des traditions locales, aussi différentes que sur un continent aussi grand que l'Afrique, avec la question du droit international? Et ça pose des questions à ceux qui vont rédiger cette charte de Banjul, devenue charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. En fait, cette charte est très très riche sur bien des points, et je ne peux pas m'empêcher de lier l'article 2, que l'on vient de citer, avec l'individu, de lier l'article concernant la femme, concernant les personnes âgées, etc. La famille, et hein, voilà, le la famille, collectif. Voilà, et le droit moderne. Parce que l'Afrique ne peut pas envisager un droit de l'individu sans la communauté, sans la famille, sans le groupe. Parce que dans ce groupe existent des traditions, je peux dire des règles morales qui, contrairement à ce qu'on pense, bien sûr on parle de menaces aujourd'hui avec les moyens de communication qui peuvent faire éclater une famille. Mais encore aujourd'hui, je peux vous dire que l'Africain a du mal à se séparer du groupe, quelles que soient les revendications de concernant sa propre liberté, etc. Et c'est cette combinaison qui a été formidablement réussi, je dirais, par les rédacteurs de la charte, qui considèrent que l'individu et la société ne font qu'une chose. À la limite, c'est deux faces d'une même médaille. On ne peut pas séparer l'individu de la communauté. Et dans cette communauté, mais il y a des traditions. C'est la famille. C'est la solidarité. C'est aussi le besoin de venir vers l'autre. Vous savez, il y a un proverbe, beaucoup de proverbes dans ce domaine-là, comme le proverbe Wolof, moi je suis Wolof, je suis du Sénégal, qui dit que l'homme est le remède de l'homme. On pense souvent aussi que c'est l'homme va aider l'homme. L'homme est le remède de l'homme. Si l'homme est en difficulté, c'est l'autre qui va l'aider. Mais attention, il y a une réciprocité. C'est que l'homme, qui n'est pas en détresse, mais il a besoin de l'autre. Il ne peut pas vivre isolément. C'est pas simplement l'homme qui est malade qui a besoin, qui sollicite l'autre, mais celui qui n'éprouve aucun mal, mais ne peut pas s'isoler au point de vivre tout seul. Mais vous dites effectivement dans votre article dans la revue Pouvoir, en l'occurrence Alioune Badarafal, que effectivement cette charte pose des questions aux sociétés africaines tout de même, parce que les droits et les libertés traditionnelles persistent. Vous le dites, qu'il y a une large légitimité, elles ont une large légitimité, ces libertés traditionnelles, auprès des populations, mais qu'effectivement elles défendent parfois des choses qui, au point de vue international ou d'un autre point de vue moderne entre guillemets, comme l'excision, la polygamie, le travail des enfants, pose des questions même juridiques internationalement. Donc comment justement faire avec ces contradictions qui sont des contradictions internes aux sociétés africaines et à leur inclusion dans l'espace juridique international. Vous êtes professeur de droit public. Mais là, vous touchez un problème vieux et en même temps actuel. C'est que les pays africains se trouvent entre l'universalisme des droits de l'homme et ce que j'appellerais le régionalisme ou la spécificité des droits de l'homme en Afrique. Est-ce qu'on peut diviser les droits de l'homme en deux catégories? C'est impossible. L'homme est un homme, qu'il soit blanc, noir, asiatique, sénégalais, burkinabé ou brésilien. L'homme est un homme. Et en tant que tel, on ne peut pas diviser les droits. Donc, les droits de l'homme ne concernent que l'homme. Et donc, l'Africain ne peut pas prétendre être différent des autres pour créer ses propres catégories de droits. C'est pourtant ce qu'essayent de faire, par exemple, on le disait hier avec Valentine Zuber, certains pays d'Asie, avec l'exception asiatique d'une certaine façon, disant, eh bien, on acceptera les droits de l'homme quand on sera arrivé à un stade suffisant de développement économique qui permettront de les appliquer d'une certaine façon. Et pour l'instant, ils s'en tiennent à l'écart, en l'occurrence. Voilà, mais ce sont des excuses. Moi, j'appelle ça des résistances. Ouais. J'appelle ça des résistances à l'universalisme. Tout le monde sait que l'universalisme, c'est beau. Et tout le monde doit être protégé. Personne ne doit être menacé. Les chartes dont on parle aujourd'hui parlent de vie, dont on a parlé tout à l'heure, de la vie, de la protection de la vie, qui interdit l'esclavage. En 1212, quand même. Mais c'est aussi valable aujourd'hui. Mais il y a des résistances. L'universalisme rencontre des résistances. Vous avez cité trois cas. La polygamie, le travail des enfants, l'excision, par exemple. Bon, la polygamie est une résistance à l'universalisme parce que cela va à l'encontre du principe d'égalité entre l'homme et la femme. Mais ça, certains pays d'Afrique, justement, n'appliquent pas forcément de la même manière non plus cette fameuse charte. Il y a une certaine liberté, du coup, à chaque fois. C'est ça que j'appelle cette résistance. La Cour constitutionnelle du Bénin, qui est considérée comme l'une des cours les plus redoutables face aux gouvernants qui déraillent, excusez-moi le terme, a condamné la polygamie comme étant une atteinte au principe constitutionnel d'égalité. En même temps qu'elle a condamné aussi une disposition du code pénal béninois qui ne punissait que la femme adultère, pas l'homme adultère. L'homme était tranquille. Aujourd'hui, la Cour dit non. Pour la punition sur un pied d'égalité. Mais imaginez. Elle s'appuie sur quoi cette Cour? Sur justement la charte internationale Elle s'appuie sur la Constitution, mais il lui arrive de renvoyer à la charte. Par exemple, détention arbitraire, la Cour béninoise a non seulement condamné cette détention arbitraire à partir de dispositions constitutionnelles, donc des dispositions internes, mais elle a renvoyé aussi à la charte pour montrer l'importance que la charte peut avoir au niveau interne. Mais je continue sur cette polygamie parce que au Sénégal, 90% de musulmans. Le président Senghor, c'était le premier chrétien. Au Sénégal, il n'y a pas ce problème de distinction entre chrétiens. Et au contraire, c'est véritablement une symbiose. C'est vraiment une unité totale. Mais le président Senghor a été obligé d'accepter dans le code de la famille cette présence des règles musulmanes, islamiques, de la polygamie. Alors, si la Cour constitutionnelle béninoise peut interdire la polygamie comme contraire au principe d'égalité, eh bien, allez demander au juge sénégalais de le faire. Il ne pourra jamais le faire au risque de se heurter à la grande majorité de la population. Et donc, j'ajouterais même que la femme elle-même, moi, je l'ai dit, je ne sais plus à qui je le disais l'autre jour, je suis étonné quand je vais dans certains milieux universitaires, notamment quand je suis dans mes cours de master à Dakar, je me suis retrouvé avec 5 femmes dans une classe. Les 4 étaient pour la polygamie. Elles étaient des femmes non mariées. Alors, est-ce une sorte d'abandon, d'impuissance, ou est-ce que simplement c'est une croyance? Alors, voilà, vous voyez, ces différences, ces résistances à l'universalisme sont très profondes, elles sont culturelles, elles peuvent disparaître, mais sur un très très long terme. Oui, et tout de même, il y a eu une inscription, pourrait-on dire, importante à partir de cette charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est la création, en 2004, d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui donc se permet de faire appliquer justement ces notions qui sont dans la charte auprès des pays qui seraient réticents. Ça marche ou ça ne marche pas, ça, justement, Alioune Badarafane? Ça marche, mais si vous voulez, la Cour n'a pas encore une très grande jurisprudence pour qu'on puisse véritablement conclure à une grande satisfaction. Moi, je me méfie toujours des décisions isolées qui peuvent cacher une certaine impuissance. Donc je ne rentre pas. Parce que quand on s'occupe de, voilà, de droit administratif ou de droit public, on sait qu'effectivement il faut beaucoup de décisions pour faire une jurisprudence. Voilà. Mais de toute façon, c'est très important parce que c'est une cour quand même qui existe. En même temps qu'il y a d'autres institutions. Moi, je préfère aujourd'hui donner quelques exemples du juge de la CEDEAO, des juges de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest. Voilà, qui ont condamné un certain nombre de pays sur l'esclavage, etc. Et donc, on a un début de jurisprudence un peu partout, qui est assez intéressante, et qui donne quand même nous rend optimistes quant à l'issue de cette... Il y a des protocoles également qui se sont ajoutés relatifs aux droits des femmes, de l'enfant voilà. Durant ces années 2003-2005 et 99 pour les droits de l'enfant. Voilà, mais vous savez, tout cela aussi, on aurait pu ne pas créer un protocole pour les droits de l'enfant ou de la femme, parce qu'on retrouve tout cela dans la charte. Mais c'est pour renforcer davantage ce que moi je considère comme étant perçu comme des personnes fragiles, vulnérables. Parce que la femme est vulnérable. C'est pour les sujets qui sont, ambigus, paradoxaux, ou tous les cas paradoxaux, je veux dire, qui posent problème. Parce qu'il y a beaucoup de violations des droits de la femme. Ce n'est pas simplement... vous savez, la polygamie est souvent acceptée par la femme pour des raisons religieuses ou d'autres raisons. Mais une femme battue, c'est autre chose. La femme battue n'accepte pas d'être battue. Et pourtant... Je ne dirais pas que c'est uniquement en Afrique, parce qu'ici aussi, il y en a. Mais ça existe. Il y a des droits aussi, par exemple, le droit de porter son nom, le droit d'avoir un patrimoine, dans le mariage, etc. Tout cela fait partie de ces charges et c'est très intéressant de les connaître pour leur donner la possibilité de les revendiquer aussi. Merci d'être venu jusqu'à nous, Alioune Benarafal, pour nous expliquer justement la particularité et les tensions qu'il peut y avoir autour de ces notions de droits de l'homme sur un territoire aussi gigantesque que l'Afrique contemporaine, sur un continent aussi grand que cela. Merci beaucoup. Et puis, je crois que vous partez à une soutenance de thèse tout de suite, de bonne soutenance de thèse. Oui. Je regrette de ne pas vous avoir parlé quand même de tout ce qui tourne autour de la notion de peuple et puis même l'individu dans le groupe. Parce que est-ce que le fait d'être dans un groupe ne fait pas disparaître la liberté individuelle qui est si chère et qu'on retrouve dans la déclaration de 1789. Tout cela constitue des sujets sur lesquels on aurait pu vraiment discuter, mais c'est moi et qui vous remercie de m'avoir invité. On vous lira en tous les cas dans cet article que l'on peut trouver sur les bons moteurs de recherche qui rassemblent les grands articles de sciences humaines et de droit. Donc c'était un article pour la revue Pouvoir. Alioune Benarafal, merci beaucoup. Éric Joly, merci beaucoup d'être venu aussi pour cette émission. Merci. Merci. On se retrouve demain, Séverine Yatar, pour la suite de notre série consacrée à cette série d'émissions sur les droits de l'homme à propos du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et demain, nous parlerons alors de la mise en place de l'internationalisation des droits au moment notamment où se pose la question des réfugiés, des apatrides, de la fin du 19e aux années 30, en France en l'occurrence, hein, mais ça ne concerne pas... uniquement la France. Ça sera donc demain. Cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Julien Calvas était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC.